Vous avez une photocopie ou l'essentiel. Alors, on commence par le plus simple ou la... Moi, les deux sont simples. Mais on commence par le plus simple. Le plus compliqué. Le plus compliqué. Je suis trop plus compliqué. Qui? Ah, le plus difficile. Le plus difficile. C'est pas difficile. Les deux sont simples. On commence avec les lombos sciatiques. D'accord. On commence avec les lombos sciatiques. Alors, donc vous avez une idée quand même de... C'est quoi donc lombosciatique? Donc lombosciatique, c'est pas une maladie, mais c'est un terme. D'accord? C'est pas un syndrome, mais c'est juste un terme. Donc on peut subdiviser en deux mots. Lombo et sciatique. Lombo, c'est-à-dire, c'est toujours caillassement, vous avez un syndrome achidien. Sciatique, c'est-à-dire vous avez une radiculagée maintenant. Merci. Vous avez une radiculalgie, d'accord, secondaire, donc lombo-sciatalgie. Et dans ce cas-là, les racines touchées, ce sont les racines sciatiques, d'accord. Les racines sciatiques, donc les racines sciatiques, principalement, vous avez, c'est surtout là. Et donc la S5 et la S8 sont touchées au niveau des deux étages qui sont donc les plus touchés, l'étage L4, L5. L4, L5 pour la racine R5, et L5, S1 pour la racine S1, et des fois, une atteinte de L5 pour, d'accord, un étage de S1, quand vous avez donc une hernie foraminale qui passe par le foramen, donc vous pouvez avoir une hernie discale L5 avec une atteinte de l'étage L5-S1, d'accord, au niveau de l'étage L5-S1. D'accord, donc... Cette hernie discale donc, est la conséquence de quoi? C'est la conséquence d'une. Donc, c'est d'abord un petit rappel anatomique que je vais vous montrer. Voilà. D'abord le disque. Vous voyez donc, vous avez une idée sur le disque. Le disque il est constitué de deux donc, structures. Vous avez l'anneau fibreux et vous avez un noyau au centre et le noyau gélatineux. Alors, le noyau gélatineux, donc, c'est une substance gélatineuse très riche en protéoglycane. Donc, le rôle, c'est quoi? C'est d'hydrater. Donc, c'est pour hydrater le disque et garder une certaine épaisseur, donner une épaisseur pour le disque. D'accord? Pourquoi? Quel est le rôle du disque? Donc, quel est le rôle du disque? C'est quoi? C'est un amortisseur de choc. D'accord? Le disque étant un amortisseur de choc. Et les chocs sont amortis au niveau donc, du noyau. Ok. Alors, pour l'anneau fibreux, c'est juste des fibres collagène qui renferment donc, le noyau gélatineux. D'accord. Donc, la hernie discale, comment ça se produit? Suite, elle peut être soit donc, traumatique, soit mécanique, c'est-à-dire suite à une dégénérescence du disque. Donc, traumatique, suite à un effort de soulèvement, une position assise prolongée, debout prolongée, un voyage très prolongé, parfois même suite à un faux geste, on a une section du disque, d'accord? Et la section du disque, dans ce cas-là, elle est principalement... Pardon. Je vais vous montrer. Elle est principalement postéro-latérale, d'accord? Donc... La hernie discale, elle est principalement postérolatérale. Elle peut être secondaire donc, à une dégénérescence du cartilage qui va secondairement, c'est comme pour l'arthrose, donc avec un disque qui va s'altérer secondairement par affaissement, d'accord, progressif du disque, ce qui va donner une discopathie dégénérative secondaire. Donc ce tableau de lombosciatique commune, il va falloir discerner des lombosciatiques symptomatiques. C'est très important. Ok? C'est-à-dire, devant un tableau de lombosciatiques, savoir définir l'essentiel pour un clinicien, bien sûr, c'est de reconnaître le tableau clinique, mais aussi de discerner entre une lombo-sciatique d'origine discale commune d'une lombo-sciatique symptomatique. C'est très important. Et là, c'est votre interrogatoire, et j'insiste sur l'interrogatoire, et votre examen clinique, bien sûr, et en second lieu, en complément de votre examen clinique, les explorations secondaires, des explorations complémentaires qui vont permettre de d'éliminer ou de, d'infirmer ou de confirmer l'origine discale. D'accord ? Donc, vous avez une atteinte pour l'atteinte discale, pour les lombosciatiques symptomatiques, on revient tout à l'heure. Alors, pour l'atteinte discale, radiculaire, pour la racine L5, ça va du rachis. D'abord, bien sûr, vous avez un syndrome rachidien, un syndrome radiculaire. L5, donc la face, donc lombaire, la face donc postéro-externe de la fesse, la face externe de la cuisse, de la jambe, malléole externe, le dos du pied, pour arriver au niveau des orteils. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a ce qu'on appelle des sciatiques tronquées, où, c'est-à-dire, le trajet n'arrive pas, la douleur n'arrive pas jusqu'au bout du trajet de la racine. D'accord ? Ce qu'on appelle les sciatiques, les lombosciatiques tronquées. Elles peuvent s'arrêter au niveau de la fesse, elles peuvent s'arrêter au niveau de la cuisse, elles peuvent s'arrêter au niveau du genou. OK ? Pour la lombosciatique S1, donc, c'est en postérieur, face postérieure de la cuisse, la jambe, donc le tendon achilléen ou bien tendon d'Achille, le bord externe du pied pour arriver aux derniers orteils. D'accord ? Donc, comment expliquer donc la douleur sciatique ? Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué qu'il y a il n'y a pas de concordance entre la morphologie donc radiologique et la clinique en elle-même. Il y a des sujets, il y a certaines études qui se sont amusées à faire pour l'ensemble, par exemple, de l'amphi, une TDM ou bien une IRM. On avait remarqué qu'il y avait des sujets qui présentaient de grosses hernies, mais qui étaient totalement asymptomatiques, sans aucune douleur. Alors que d'autres qui avaient de très petites hernies, mais qui étaient très douloureuses. Ceci dit qu'il n'y a aucune concordance clinico-morphologique. Et votre conduite thérapeutique ne dépendra pas d'une interprétation des clichés. D'accord ? Bien sûr, il y a certaines situations cliniques parlantes, peut-être une sciatique paralysante, une sciatique avec un syndrome de la queue de cheval, un patient donc, qui s'est présenté avec ça, déficitaire, avec un déficit moteur donc assez prononcé. Donc, on n'a pas à discuter du tout. Et au contraire, il faut donc passer à la chirurgie dans les meilleurs délais, sinon le malade risque de garder des troubles. Donc, indélébile qu'il peut garder donc à vie. Et j'ai eu l'occasion de voir ce type de malade en consultation. Un malade qui s'est présenté en ma consultation avec une couche, avec des... je me suis dit, en l'examinant, j'ai trouvé la couche. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous avez pour mettre une couche ? Il a dit, madame, ça fait 15 jours que je ne ressens plus mes urines. Et je ne ressens plus, c'est-à-dire, donc il y a une anesthésie en selle, mes organes génitaux en péri. Et le plus beau de tout ça, c'est qu'il a été vu 15 jours avant par un neurologue. Et c'est très grave. Qui lui a dit, rentrez chez vous, un spécialiste, rentrez chez vous, vous allez pouvoir récupérer au fur et à mesure. Et malheureusement, justement, j'ai envoyé en urgence pour la chirurgie sur Alger, il a gardé des séquelles jusqu'à une centaine de morts. C'est des patients qui gardent des séquelles, c'est pour ça que j'insiste sur l'examen clinique. Ok ? Apprenez à faire l'examen clinique. D'accord ? C'est le but de vos stages. C'est vrai, peut-être on n'est pas, c'est-à-dire à vos côtés à 100% dans. Mais on est, personnellement, je suis en train de donner de mon mieux pour vous faire apprendre le, tout ce qu'on a. Mais donnez-vous la peine de votre part de, d'apprendre un peu auprès du lit du malade. Touchez au malade. C'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre. C'est pas en apprenant juste beaucoup. C'est pas comme ça qu'on va. On se fait. D'accord? Donc, attention, il y a des urgences, on n'en discute pas. Mais sinon, en dehors de ces trois grandes urgences, d'accord, votre conduite ne doit pas être influencée par le résultat de la radiographie. D'accord? Voilà. Donc, je reviens donc à la clinique, donc à la physiopathologie, pardon. Pour la physiopathologie, donc je vous ai dit qu'il y a une discordance entre le volume de la hernie et la douleur en elle-même. Bon, on a supposé que donc la compression radiculaire par la hernie discale était la seule explication, d'accord ? Mais ça ne suffisait pas, vu le taux donc de, comment dirais-je, de récidive après la chirurgie, des gens qui ont été opérés, on avait extirpé la hernie, mais c'est des gens qui avaient continué à avoir mal. Donc on a supposé dans ce cas-là l'existence d'autres théories, et là il existe donc une théorie, comme on l'appelle, chimique, c'est-à-dire le nucléus qui sécrète, d'accord, des substances pro-inflammatoires, d'accord, avec parfois même donc une activation du système immunitaire des lymphocytes TH1 et TH17, et toutes ces voies, d'ailleurs, nous ouvrent par la suite des voies thérapeutiques. Parce que maintenant, aux États-Unis, bon, c'est trop, je trouve que c'est un peu trop, on traite des lombos sciatiques avec des biothérapies, des anti-TNF alpha. Parce qu'il y a de l'anti-TNF alpha qui est sécrété, on arrive à traiter quand même des lombos sciatiques, c'est un peu trop, c'est vrai, mais ça se fait maintenant. D'accord ? Donc ceci donc, est dû donc, à la discordance. Il y a des sujets qui présentent de grosses hernies sans jamais avoir mal, de petites hernies avec une grosse douleur, des sujets donc, qui ont été opérés, on avait extirpé donc, la compression et qui gardent encore toujours une douleur persistante, bien sûr, après avoir éliminé d'autres, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un autre étage. Il y a aussi la fibrose rétropéritonéale qui se forme après la chirurgie, qui peut expliquer les douleurs chroniques. Mais, donc ceci dit, tout ça nous a incité à supposer d'autres théories, et actuellement, pardon, c'est surtout la théorie chimique qui explique, l'intensité de la douleur sciatique, et d'ailleurs, la réponse thérapeutique aux anti-inflammatoires non stéroïdiens est l'un des meilleurs, en quelque sorte, reflets, donc, de l'origine inflammatoire, d'accord, de cette douleur sciatique, d'accord. Alors, un sujet, bon, je vais essayer de vous faire le coup dans un cadre pratique, ok. Un sujet qui se présente avec une lombo sciatique. Qu'est-ce que vous devriez faire? Bon, à l'interrogatoire, qu'est-ce qu'il va falloir rechercher? Alors, je vous donne la parole. Décrire la douleur. D'abord, très bien. La douleur. L'éradiation. D'abord, le début. Trajet. Le mot de début de cette douleur. Ouais. Est-ce que c'est une douleur qui est survenue suivant un effort de soulèvement, ou bien c'est une douleur qui est survenue sans facteur déclencheur. Déjà, vous avez une petite orientation là, ok, entre une sciatique commune et lombo sciatique. Non. Deuxièmement, le trajet de la douleur. Est-ce que c'est une douleur uniradiculaire, pluriradiculaire, d'accord? Unilatérale, bilatérale, une douleur uniradiculaire oriente généralement vers une origine donc discale commune. Une douleur pluriradiculaire généralement fait soupçonner, d'accord, une origine symptomatique, c'est-à-dire secondaire. Et quand je dis secondaire, en premier lieu, il y a une urgence. L'urgence en matière de lombosciatique secondaire, c'est l'origine infectieuse, c'est-à-dire sur un tableau de spondylodiscite, d'accord, c'est-à-dire une infection du disque avec une atteinte des plateaux sus et sous-jacents, d'accord. l'origine disque, donc puisqu'on dit l'osicite infectieuse, et là, rechercher une fièvre, d'accord, syndrome infectieux. Une fièvre, d'accord. Dans le cadre du lombo sciatique, toujours secondaire, voilà, rechercher une atteinte pluriradiculaire, d'accord, très bien. Encore, toujours à l'interrogatoire. Vas-y. Est-ce qu'il y a eu une altération d'état général, d'accord, ces derniers temps pour le malade? D'accord. Est-ce que vous avez eu perte de poids? Amaigrissement. Qui peut vous orienter vers une origine néoplasique. Néoplasique secondaire, d'accord. Il y a deux urgences, c'est surtout. Bon. Parce que le diagnostic du lombo sciatique commun, attention, c'est un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire, après avoir éliminé ceci, ceci, ceci, ceci, ceci, je retiens le diagnostic du lombo sciatique commun. C'est vrai, il y a des critères d'orientation, mais je dois quand même m'assurer qu'il n'y a rien à côté, d'accord? Voilà, pouvons expliquer cette douleur lombo. Des fois, c'est une lombo sciatique secondaire avec une atteinte juste monoradiculaire et attention, d'accord? Troisièmement, le caractère de la douleur, est-ce que c'est une douleur de type inflammatoire? Est-ce que c'est une douleur de type mécanique? Une douleur de type mécanique, généralement, d'accord, oriente vers une origine discale commune. Une douleur plutôt inflammatoire, d'accord, c'est-à-dire le patient mal calmé par le repos, contrairement à la lombo-sciatique commune, qui est généralement donc atténuée avec le repos. Donc, c'est un patient, au contraire, qui vous dit que c'est une douleur, au contraire, qui s'exacerbe la nuit, qui est mal calmée par le repos, d'accord? Ceci doit orienter, donc, doit vous faire penser à une origine aussi inflammatoire. L'impulsivité de la douleur. C'est une douleur impulsive, c'est-à-dire à la toux et à la défécation, aux efforts, donc, de toux et de défécation. Est-ce que vous avez mal au niveau discal? Tout ça, donc, prédit de l'origine discale parce qu'il y a une hyperpression, en quelque sorte, qui se crée au niveau discal, qui va engendrer cette pulsatilité de la douleur. L'absence de cette impulsivité fait suspecter aussi, donc, d'accord, une origine symptomatique de cette lombo-sciatique. Bon, l'âge du malade, l'âge du patient. Bon, au-delà de 50 ans, généralement, ayez en tête toujours de rechercher, donc, dans le passé du malade, donc, d'antécédents néoplasiques, ou bien rechercher une origine infectieuse, d'accord? Voilà, toujours. Donc, l'âge du patient, c'est important. Même avant 20 ans, les lombo-sciatiques avant 20 ans, c'est très important. Donc, les tumeurs intracanalaires, voilà, les épandimomes, les schwannomes, les hémangiomes. D'accord. Bon, les lymphomes osseux, donc moins de 20 ans aussi, pour savoir. Donc, vous avez donc les critères de la douleur, l'âge, les facteurs déclenchants, l'impulsivité de la douleur, donc le caractère inflammatoire ou mécanique, tous ces critères, le passé du malade, les antécédents personnels du malade, tout ça doit dès le début donc orienter votre déjà diagnostic et commencer votre examen. Clinique et paraclinique, enfin, les complémentaires pour infirmer ou confirmer votre lombo sciatique. Sur le plan clinique, c'est-à-dire à l'examen clinique, toujours le patient doit être dévêtu, d'accord, déshabillé. Donc, déchausser le malade en position donc debout pour essayer de, à l'inspection, de rechercher. Bon, une attitude antalgique en matière de sciatique, de lombo-sciatique, une attitude antalgique, c'est-à-dire il y a une contracture du rachis, soit donc direct, soit croisée. Donc une attitude antalgique directe, c'est-à-dire du côté de la douleur. Croisée, c'est-à-dire du côté opposé à la douleur. Donc c'est un patient qui est complètement donc raide. D'accord? D'un côté, du côté de la douleur, ou bien du côté contralatéral, ce qu'on appelle une attitude antalgique, soit directe, soit croisée. À l'inspection, remarquez la contracture des muscles paravertébraux, cette contracture des muscles paravertébraux qui signe la souffrance donc de la région lombaire. D'accord. Il y a une contracture pour lutter contre la douleur. OK. Et par la suite, on passe à l'examen clinique proprement dit. Donc, bon, bien sûr, l'examen de la mobilité, dans les mouvements de latéralité, si c'est limité ou non, si c'est pas limité, si c'est douloureux. Donc, l'antéflexion, demander au malade de faire toujours pieds joints, d'accord, pieds déchaussés, de faire une antéflexion maximum et de calculer par la même occasion la distance doigt-sol qui est dans ce cas-là, donc très importante. Et vous calculez aussi par la même occasion l'indice de Faubert. Vous savez comment le faire. Donc, on trace au niveau des crêtes tibiaques, donc, une traie sur une médiane donc, qui passe par la première sacrée, ou bien la L5, première sacrée, un petit trait, on calcule une distance de 10 cm avec un crayon dermographique, bien sûr en position debout, puis on demande au malade de faire une antéflexion maximum, et on va recalculer cette distance, le malade tout en étant en antéflexion, et on calcule cette distance. Normalement, elle devrait être limitée. Mais ce n'est pas spécifique. Tout syndrome rachidien, généralement, inflammatoire, mécanique, s'accompagne d'un signe de Faubert. Une lombosciatique, une spondylarthrite ankylosante, une spondylodicite, une tumeur vertébrale. D'accord ? Tout ça peut limiter donc, ce signe de Faubert. Ce n'est pas spécifique, mais il faut le faire quand même. OK ? Donc, avec le signe de la sonnette, rechercher à la percussion au niveau des espaces interépineux une douleur pulsative, d'accord. Vous essayez de percuter au niveau des étages L4-5-S1 et vous essayez de reproduire en quelque sorte cette radiculalgie ou bien cette impulsivité de la douleur au niveau lombaire et le patient normalement devrait signaler une douleur aiguë qui peut s'accompagner d'une névralgie donc sciatique en parallèle. D'accord. La zèque. Pardon. Oui, j'arrive. En position couchée, vous avez le signe du lacet. Le signe du lacet. Alors le patient en position couchée, d'accord. Alors, genou tendu. Vous essayez de surélever, d'accord, progressivement. Bien sûr, des deux côtés, l'examen doit être comparatif, ok. Vous essayez de surélever le membre touché et vous essayez de calculer l'angle, d'accord, entre la table et le membre, l'angle pour lequel le patient commence à se plaindre et à voir la radiculalgie, pas la douleur lombaire, la radiculalgie, d'accord. Donc la douleur est plus importante, on dit que la douleur est plus importante pour un angle qui est plus serré. C'est-à-dire, si l'angle augmente et le malade n'a pas mal, ce lacet, il perd en quelque sorte sa signification et il devient insignifiant pour le malade et on dira que c'est un lacet négatif. Généralement, au-delà de 60, on dira que c'est un lacet qui est négatif. OK ? D'accord. Vous avez le lacet inversé, ou bien le signe de l'ERI, L', c'est un nom propre, L-E-R-I, d'accord. Le patient étant donc en décubitus ventral, toujours membre en extension, vous essayez de faire une hyperextension forcée, ce qui devrait normalement, donc pour le signe de l'ERI, il est généralement spécifique pour les cruralgies, L3 et L4. D'accord. C'est plus spécifique, voilà, donc pour les cruralgies L3 et L4. Donc, complétez votre examen clinique par la recherche d'un déficit. C'est très important et c'est l'étape primordiale de votre examen. Vous avez confirmé qu'il s'agit d'une lombosciatique, mais donc, vous avez besoin d'éliminer dès le début, donc l'existence ou non, de signes, donc, d'urgence, d'accord, de déficit, qui va changer normalement toute votre conduite thérapeutique. Alors, en position debout, on réalise quoi ? ce qu'on appelle les, vous avez fait le cours l'année passée, hein, participer. Les épreuves dynamiques. Les épreuves dynamiques, c'est quoi? C'est la marche sur les talons et sur la pointe des pieds. D'accord? La marche sur les talons, c'est pour quelle racine? L5. La marche sur les talons, c'est pour la racine L5. La marche sur la pointe des pieds, c'est pour la racine S1. Donc, vous demandez au manage de marcher sur les talons et vous voyez s'il a la possibilité de le faire, ou bien si c'est déficitaire, ou bien si c'est douloureux. Si c'est juste une douleur, vous dites que donc marche sur les talons douloureuse, mais non déficitaire. Si le malade n'arrive pas à décoller le pas, d'accord, ça veut dire qu'il y a un déficit neurologique de la racine L5 et vous dites que la marche sur la talon est déficitaire à droite, bien sûr, ou bien à gauche. La même chose pour la marche sur la pointe des pieds. La même chose, vous demandez au malade de marcher sur la pointe des pieds et vous dites si c'est douloureux ou non et si c'est déficitaire ou pas. D'accord? À côté de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours dans le... D'accord? Les réflexes, très bien. Bon, il y a la sensibilité. On peut trouver soit une hypoesthésie selon le trajet, soit carrément une hyperesthésie. D'accord? Et vous avez donc la recherche des réflexes ostéotendineux. Bon, pour la racine L5... Bon, il n'y a pas de racine spécifique. Le réflexe ostéotendine, donc quadricipital, attention, c'est pour donc les cruralgies. C'est pour la racine L4, L3. D'accord? Il est aboli, diminué ou bien aboli pour la racine L3, L4. L5, généralement, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme test neurologique, donc testing musculaire pour la L5, c'est donc explorer le releveur du gros orteil. Le releveur du gros orteil. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites avec le manal? Genou donc tendu toujours. Vous demandez au manal de faire, d'accord, une flexion contrariée. Vous allez essayer de vous opposer à ce geste, d'accord? Et vous voyez une extension forcée, et vous demandez flexion, extension, les deux. On fait les deux et vous demandez au malade de s'opposer à ce geste, d'accord? Si le patient arrive à donc résister, on dira qu'il n'y a pas de déficit. Si vous voyez que le patient donc a un petit déficit ou bien il n'arrive plus donc à surélever son gros orteil, c'est-à-dire qu'il y a un déficit neurologique qui peut nous obliger à faire passer le malade sur la table de chirurgie. Qui peut, je dis bien qui peut. Parce que si c'est juste un déficit du releveur, c'est-à-dire le traitement conservateur est toujours de mise. C'est pour ça que je vous ai dit attention, vous êtes le meilleur juge vis-à-vis de votre malade. Et les prises en charge, elles sont différentes des malades à un autre. Et la radiographie ne doit en rien influencer votre attitude thérapeutique. Une sciatique paralysante, d'accord. Si c'est une paralysie ou bien une parésie, une paralysie encore, c'est-à-dire on peut surveiller, mais de trop près. D'accord? Une paralysie, un syndrome de la queue de cheval, une sciatique hyperalgique qui résiste au traitement après, donc 2-3 mois de traitement bien conduit, peut passer aussi à la chirurgie. Mais le traitement conservateur est indépendant, hormis ces situations-là. D'accord? Vous êtes le seul et meilleur juge vis-à-vis de votre malade. D'ailleurs, donc, la majorité des lombos sciatiques répondent favorablement au traitement médical. Malheureusement, on voit maintenant l'inverse. C'est tout le monde qui veut gagner de l'argent et c'est tout le monde qui incite les malades à se faire opérer. Et chacun a sa conscience. Oui. Il y a une question? Qui a dit, madame? D'accord. Donc, un déficit du releveur et un déficit des fléchisseurs. Pour la racine S1, c'est les fléchisseurs des derniers orteils. D'accord. Vous avez un déficit des fléchisseurs, c'est-à-dire au mouvement de flexion des orteils, vous essayez de vous opposer à ce mouvement de flexion. Et là, soit vous trouvez donc une résistance carrée, donc une bon tonicité, soit Donc, vous avez donc une flexion qui est diminuée ou bien carrément à bout. D'accord. Bon. Complétez l'examen clinique par la recherche de troubles sphinctériens. C'est impératif. Troubles sphinctériens, donc, ils sont de quel type ? L'incontinence urinaire et anale. D'accord. Ou bien l'inverse. Attention. Bien l'inverse, attention, d'accord. Soit une incontinence, soit c'est une fuite carrément. Les deux sont acceptés. Et dans les stades ultimes, bien sûr, bon, on a une anesthésie en selle au niveau des organes génitaux et au niveau donc périanal. Et l'ultime attente, c'est la paraplégie. En l'absence de traitement, c'est l'installation de paraplégie. Et on en a vu des cas de patients. Hier, en consultation, il était très bien. Demain matin, il vient avec un syndrome d'appui cérébral. Alors, toujours attirer l'attention du patient, lui dire, attention, pour le moment, vous êtes bien, il faut le rassurer, bien sûr, surtout en matière de lombo sciatique, parce qu'il y a des composantes psychosomatiques très fréquentes pour les lombo sciatiques, d'accord ? Donc, il faut savoir d'abord rassurer votre malade et lui dire, attention, monsieur, ou bien attention, madame, dès que vous constatez ce type de signe, une incontinence, c'est-à-dire vous allez, donc vous urinez sans vous rendre compte, ou bien une retention d'urine, bien sûr, il faut rechercher un globe dans ce cas-là, vésical, faire un toucher rectal pour juger de la tonicité du sphincter anal. Donc si vous avez une incontinence ou bien une retention des urines ou des matières fécales, c'est une grande urgence, même si vous ne me trouviez pas, prenez votre dossier et passez à la chirurgie le plus tôt possible. Le plus tôt possible est opéré, le mieux est pour le malade, d'accord ? Parce qu'il risque de garder des séquelles à vie. Ok ? Quels sont les examens à demander, d'accord, devant un tableau de lombosite ? Avant, sur le plan du lombosite. Bon. Il est impératif, oui. D'accord, une vitesse de sédimentation, d'accord, qui peut être normal devant deux bronchites secondaires infectieuses, bronchites secondaires, dans sa infectieuse et tout l'ouvrage. D'accord, attention, une formule, d'accord, pour rechercher des signes d'un myélome, donc une anémie inexpliquée qui peut orienter vers une origine tumorale, une CRP. Donc, quand elle est élevée, peut orienter soit une origine inflammatoire banale, infectieuse, ou bien même tumorale. Et selon le contexte, d'accord, savoir compléter votre examen. Si le patient rapporte un tremblement de pierre, par exemple, d'altération de l'état général, faites tout un bilan et recherchez systématiquement, par exemple, vous savez très bien que, bon, il est plutôt prédisposé à faire des cassettes bronchiques, donc prostatiques, intestinales. Chez la femme, c'est plus surtout le sein, l'ovaire. Essayez de rechercher sur ces pistes-là. OK ? Par des bilans biologiques, échographiques, radiologiques. Et sur le plan radiologique, purement en rapport avec la lombo sciatique, qu'est-ce qu'il faut demander comme cliché ? Avant le scanner. Une radiographie standard, toute banale, d'accord ? Ce qu'on appelle donc une incidence, généralement, normalement, une incidence de 2 16. 2, c'est un nom propre. D, E et 16. L'incidence de 2 16, c'est un cliché, d'accord ? Donc, dorsal, lombo, pelvis, fémoral, sur un seul cliché, d'accord ? Donc, l'incidence de, je vais dire, de l'incidence de 2 7. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, c'est un problème. Ok, ma soeur, d'accord, je vais vous dire. C'est un problème. Incidence de 2 16. C'est-à-dire sur le même cliché, vous avez une réponse sur le même cliché, donc une radiographie qui prend l'axe lombaire, pelvien et fémoral. D'accord. Ceci va permettre d'étudier, d'accord, donc, tous les segments osseux suscités. Pourquoi? Bon, si c'est une lombe sciatique, donc d'origine discale banale, la radiographie dans ce cas-là, généralement, elle est normale, ou bien vous pouvez trouver des signes dégénératifs banals, d'accord, d'une arthrose qui peut expliquer cette lombe sciatique. On demande cette incidence, là, quand on demande cette incidence, c'est pour éliminer une lombe sciatique secondaire. Une spondylodiscite, justement, méconnue. Donc, une tumeur rachidienne avec une atteinte donc, des pédicules, d'accord. On verra ça dans les métamorphoses. Donc, des signes qui peuvent prédire de l'origine tumorale, telle que l'absence d'un métier pédicule, une lyse d'un mur vertébral, une lyse de l'arc postérieur. Tous ces signes donc, nous orientent sur un simple cliché vers tel origine. Ok. Bien sûr, complété par. Quoi? Une TDM. Quand est-ce qu'il va falloir demander une TDM? Est-ce que la TD, elle est impérative? Non. Très bien. Quand est-ce qu'il va falloir la demander? Discordance entre la conduite. Quand tu as senti, tu veux prendre la que tu vas. La que tu vas. Le scanner n'est pas, le fait, ne doit pas faire partie d'un bilan initial, d'accord, complémentaire, sauf dans certaines situations. L'existence d'un trouble neurologique, d'un déficit moteur, voilà, un déficit neurologique, un déficit bien sûr neurologique moteur, un syndrome de la queue de cheval, d'accord, ou bien un signe radiologique, d'accord, qui, donc, alarmant à explorer. Sinon, mis à part ça, si c'est une lombe sciatique qu'on a commencé à traiter, c'est ce qu'on appelle des sciatiques hyperalgiques. C'est-à-dire, c'est des sciatiques qui résistent après 8 semaines de traitement, bien conduit généralement jusqu'à 3 mois de traitement bien conduit. On note une résistance thérapeutique, c'est-à-dire une non-amélioration. Dans ce cas-là, il va falloir faire une tomodensitométrie, donc lombaire, pour explorer. Donc, les plaques lombaires. Ok. À côté de la TD1, oui. De l'autre côté, un déficit neurologique, là, que je veux, résistance thérapeutique, et l'autre. Un déficit mental, un déficit périphérique, en absence d'un syndrome de la queue cheval, qui est inférieur ou égal à 3. Dans une rotation intermédiaire, on va de 0 à 5. D'accord. Donc, 5, mouvement normal. 4, mouvement est réalisé, mais quand résistance est pesanteur. 3, quand pesanteur seulement. D'accord. 2, difficilement, donc mouvement difficilement réalisable. Plutôt 1, 0, aucune donc, activité musculaire. Donc, un déficit intérieur égal à 3, donc impose donc, la réalisation du TDR. Non. Si vous n'avez pas de signes alarmants, non. Donc vous êtes sûr, il ne s'agit pas du bon certificat secondaire, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, l'indication, c'est des indications de l'autre. C'est après un certain délai de traitement, si vous voyez que le patient résiste, au traitement, vous passez à la TD. Mais sinon, c'est pas la peine d'arriver. Donc, la TDM, normalement, les gens, quand ils ont l'an, c'est-à-dire indiqué, c'est pas comme nous, pour nous, elle est utilisée pour poser le diagnostic de l'ombosciatique. Tout ombosciatique, elle passe à la TDM, et c'est pas le cas, normalement. Une radiographie, un bilan inflammatoire, et selon votre interrogatoire, votre examen clinique, et selon ce que vous avez trouvé, c'est à vous, justement, de juger de l'utilité ou pas. Si vous suspectez une ombosciatique fortement, l'ombre sciatique secondaire, n'hésitez pas à demander dès le début. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous êtes certifié qu'il s'agit d'une l'ombre sciatique formules distinctes, c'est qu'on peut de faire une télémange. Si ces patients qui répondent au traitement, j'aurais pas besoin du tout de faire une télémange. Sauf si, dans les conditions, dans les situations. Ok. Sinon, à côté de la TD1, il y a l'IRM. Donc l'IRM qui permet mieux, bon, en matière d'os, la TD1 est meilleure. D'accord. Donc l'IRM, c'est surtout l'exploration des parties molles. Donc elle est meilleure pour l'exploration des parties molles. En ce qui concerne l'EMG, la sacro, elle est presque abandonnée. Okay. Sauf s'il y a une contre-indication. Quand on contraste par exemple de l'IRM et de la TDR, on fait une sacrée. Et c'est un exemple qui est fait du sac. Pardon ? Ah, bien sûr. Alors, très bon qu'on faisait ça. Donc, on fait comme ça juste plus. La sacro-radiographie, c'est l'injection d'un produit de contraste au niveau du sac dural qui va permettre de visualiser la hernie et la compression hernie au niveau des racines. Sciatique, d'accord, c'est ce qu'on appelle la sacro. Mais elle n'est pas démunie de complications, surtout un tableau de méningite, le risque infectieux, nausées, vomissements. Généralement, elle est très mal tolérée sur le plan général. Ok, l'EMG, d'accord, il n'a pas un grand intérêt si votre examen clinique a été fait de façon minutieuse. Ok, d'accord. Bon. Quel traitement ? Bon, il y a des fonds cliniques à étudier, donc savoir discerner donc une lombostatite commune, une lombostatite symptomatique. Une lombostatite symptomatique, généralement, donc je répète, c'est des douleurs généralement inflammatoires, mal calmées par le repos, sans facteur déclenchant, il n'y a pas de facteur déclenchant, donc aggravées au contraire donc, par l'alitement, c'est des douleurs qui s'aggravent avec l'alitement. Pluriradiculaire et l'absence de l'impulsivité de la douleur. Ok, ces signes doivent donc faire rechercher une lombostatite symptomatique. Quels sont les types de lombostatite symptomatique? Vous avez les lombostatites sûres d'origine infectieuse. Et quand on dit d'origine infectieuse, c'est les spondylodicites. D'accord, voilà, spondylodicites dans ce cas-là. Vous avez presque le même tableau que la lombostatite. Sauf qu'il y a de la fièvre, il y a plus de douleur inflammatoire, il y a plus de rigidité avec un bilan inflammatoire qui est positif, une VS, une CRP, une formule qui peut, si c'est un germe banal, une hyperleucocytose, si c'est un POT, le bilan il peut rester normal, ou bien l'état sub-inflammatoire, d'accord, minime, ok, donc un POT, attention, et c'est la radiographie, et au moindre doute, passer à la TDN, sinon carrément à l'IRM. Ok. La même chose pour les donc, tumorales, donc métastases osseuses, uralite canaire, lymphome osseux, d'accord. Dans ce cas-là, recherchez toujours des signes généraux et des antécédents donc carcinomateux donc, dans le passé du malade, même si c'est lointain. Même si c'est un passé lointain. Rechercher des antécédents carcinomateux. Et là, vous avez sur la radiographie, vous avez des critères de malignité. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vous ferai moi-même, normalement, canaire ou métaosseuse. Je ne sais pas, moi, le docteur Boudolfin, on vous fera le cours des métastases osseuses. D'accord. Voilà. Bien sûr, dans ce cas-là, selon le sexe, vous allez pouvoir orienter votre recherche chez la femme ou bien chez l'homme. Ok. Bon, toujours dans le cadre des lombostatiques symptomatiques, vous avez les tumeurs bénignes, intracanalaires. Vous avez les épandiments, les granums, les hémangiomes. Et là, c'est un tableau clinique assez particulier. Vous avez, c'est des douleurs qui sont au contraire calmées par la marche, la position debout, mais qui sont donc avec un tableau qui s'accentue et qui s'exacerbe avec la position couchée. Le patient ne peut pas se tenir. Bon, généralement, c'est des atteintes monoradiculaires. Le patient ne peut pas se tenir en position couchée et c'est des lombostatites qui sont très sensibles aux salicylés. Et généralement, c'est l'IRM qui permet de poser le diagnostic. D'accord. Éliminer aussi donc une syringomyélie, c'est très important. Et on a eu j'ai eu l'occasion de voir des malades de ce genre, des patients qui étaient traités pour des lombosciatiques comme ça abusivement, en demandant une IRM et on tombait sur un tableau de syringomyélie qui était méconnu chez la patiente. D'accord. À côté de ça, donc éliminer ce qui n'est pas sciatique du tout. D'accord. Tel que une périarthrite de la hanche. D'accord. Une périarthrite de la hanche, c'est-à-dire une atteinte des structures périarticulaires, peut donc donner une douleur, comme on a dit tout à l'heure, externe. Cette douleur externe peut être interprétée par le malade ou par le clinicien ou donc par une lombosciatique. D'accord. L'absence de dysesthésie, absence de radiculalgie ou bien de névralgie, et votre examen clinique, bien sûr, qui va permettre d'éliminer donc une cruralgie, la cruralgie L3 et L4. Dans ce cas-là, c'est des sciatiques, donc c'est des le trajet radiculaire, donc il va à la face antérieure de la cuisse. Il s'arrête au niveau de la face antérieure pour L3 et il peut passer jusqu'au niveau de la jambe tibia pour la racine L4, toujours en antérieur. Ok. Éliminer aussi une fessalgie postérieure dans le cadre d'une atteinte sacroiliaque. Donc les douleurs sacroiliaques, ce qu'on appelle des douleurs fessières postérieures, sont très souvent prises et traitées pour des lombosciatiques. D'accord. Surtout dans le cadre d'un rhumatisme inflammatoire très fréquent et très handicapant, qui est la spondylarthropathie et en chef de file, la spondylarthrite ankylosante. Donc, c'est des patients qui commencent à avoir des fessalgies postérieures par atteinte des sacroiliens. Et c'est des patients qui sont traités très souvent à tort pour des lombosciatalgies S1. D'accord ? C'est clair ? Le traitement, j'ai pas été très, c'était léger. Alors sur le plan thérapeutique, donc le volet, donc le traitement, il est indépendant de la morphologie de la hernie. C'est-à-dire, une grosse hernie ne justifie pas forcément un traitement chirurgical. Une petite hernie n'exclut pas forcément le traitement chirurgical. Ok ? Donc c'est au cas par cas. Le traitement, il fait appel à plusieurs choses. Et c'est à vous de mener votre arsenal thérapeutique avec le malade, les antalgiques de palier 1, si inefficacité, palier 2, les myorelaxants. D'accord ? Bon, un corset lombaire qu'il va falloir porter durant la crise. Qu'il va falloir aussi ne pas laisser le malade dépendre de ce corset parce qu'il y a le risque d'amyotrophie des muscles qui peut aggraver au contraire donc, la douleur, la kinésithérapie, donc la physiothérapie, la rééducation fonctionnelle généralement à distance d'accord, des crises douloureuses. Vous avez les infiltrations péridurales, radiculaires, intraforaminales. Donc, c'est au cas par cas. D'accord ? Voilà. La chirurgie, elle s'adresse à quelques, généralement, 90-95% des patients relèvent d'un traitement conservateur, c'est-à-dire pas de chirurgie. C'est juste 5% des malades qui relèvent d'un traitement chirurgical. Malheureusement, chez nous, les choses... C'est l'inverse. Oui, c'est tout le monde qui passe maintenant à la chirurgie. C'est tout le monde qui veut opérer n'importe quoi et n'importe comment. D'accord ? Donc, soyez rigoureux. Donc, le traitement chirurgical, soit c'est une sciatique paralysante, sciatique avec un syndrome de la queue de cheval, sciatique hyperalgique. Les trois circonstances qui relèvent, donc qui imposent D'accord ? La chirurgie. Mis à part ces trois formes, c'est surtout le traitement conservateur. Et donnez-vous la peine d'être patient avec vos malades. Ok ? Oui. C'est sciatique et sciatique par exemple, une sciatique hyperalgie, voilà, au-delà de 2-3 mois de traitement, bien conduit, et sciatique avec un syndrome de la clôture. Ok ? Ce sont les trois situations qui imposent le traitement chirurgical. Mais sinon, le traitement est majoritairement, d'accord, conservateur. Ok ? Voilà. Les récidives après la chirurgie sont possibles. Les récidives sont dues soit dans un, bon, parce que parmi les... Un peu de silence, s'il vous plaît. Pour la chirurgie, vous avez donc la dissectomie totale, vous avez donc la dissectomie percutanée, c'est-à-dire qu'il n'enlève pas totalement le disque, et là, on risque de faire une récidive dernière. Quand la dissectomie est totale, on a moins de risques et les résultats sont meilleurs, donc avec chirurgie ouverte, les résultats sont meilleurs, voilà. Il y a maintenant, il y a la chimonucléolyse, la chimopapaïne, mais il y a le risque d'allergie, et c'est une méthode presque abandonnée. Maintenant, il y a aussi la lyse discale au laser, elle commence à être faite, et apparemment de très bons résultats, 75% de résultats, de bons résultats ont été notés. Les récidives sont expliquées soit c'est un malade qui a été mal opéré, opéré sur un autre étage, ou bien une récidive dernière sur une nucléotomie et pas une dissectomie totale. Ok ? Donc l'évolution, généralement, elle est favorable. Il faut savoir juste rassurer votre malade. C'est vrai, il y a la chronicité de la chose. La chronicité qui implique dans ce cas-là, en quelque sorte, un contexte psychosomatique un peu particulier chez ce type de malade. Et c'est des sujets qui sont très susceptibles à faire dans des syndromes dépressifs. C'est pour ça, savoir rassurer le malade devant la douleur. Ok ? Et savoir banaliser. Si le tableau clinique est rassurant, savoir banaliser le tableau clinique par rapport au malade et lui donner le maximum de conseils d'hygiène de vie afin d'éviter les récidives, les poussées douloureuses. Ok ? C'est bon ? Oui. Oui. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Alors, on va voir l'ostéomalacie. Je pense que vous avez une idée normale sur... Qu'est-ce qu'il y a quand